L-Y-X. Bon. Je crois que je vous avais promis un album là, non? Révélation. Ok, ça y est, ça commence. Je n'y croyais plus possible. J'avoue que quand j'y repense, je croyais ce rêve inaccessible. Ce rap n'est pas de qualité, on me l'a déjà fait comprendre. Je me dirais pas le premier, je ne suis pas là pour te méprendre. Je me présente, je viens du Creusot. Pour toi, rien d'extraordinaire, mais cette ville est un cadeau. J'en suis originaire, et tu ne peux rien y faire. Peut-être que c'est un peu chauvin, car c'est pour moi la première, le point de départ de mon chemin. Je viens pour représenter, je fais sûrement tâche dans le milieu. Avec mon rap et mon flow, je ne vais pas faire beaucoup d'envieux. J'ai envie d'écrire mes morceaux, car je ressens l'inspiration. Tu veux me mettre sous silence, car tu n'as pas ma motivation. Je m'en branle, tu peux brailler, tu peux me clasher, me critiquer. Mais j'ai envie de progresser, tu n'as pas le pouvoir m'arrêter. Je vais repousser certains clichés, montrer ma sincérité. Trouver le moyen de m'évader, prenez l'authenticité. Pour moi c'est juste un plaisir, je ne veux pas faire concurrence. Je veux délivrer mes pensées et qui sait mettre un peu d'ambiance. Le rap est un moyen d'expression lié à tort, à délinquance. Pour moi c'est une libération, je l'associe à délivrance. Je ne rappe pas pour l'argent, je ne veux pas être commercial. Je ne rappe pas pour mentir, le vrai me paraît primordial. Si tu m'écoutes, je rappe pour toi, écoute ce son, il est brutal. Avoue que tu ne peux pas faire mieux qu'en ce qui est table instrumentale. On est là où on arrive, on fait notre art en cadence. On n'est pas là pour la dérive, mais pour te mettre dans l'ambiance. Avec ce qui tourne l'instrumental, fais-moi confiance, c'est une chance. Et moi sur la phase lyricale, celle c'est un qui mène la danse. Mes textes peuvent toucher tout le monde, je me fous de nos différences. Quoi, t'as pas compris? Je ne supporte pas l'intolérance. Comme les rappeurs que j'aime, je veux pas propager la violence. Je veux juste déballer mes textes et t'informer que ça commence. Toutes les personnes qui me connaissent doivent se demander, qu'est-ce qui m'a amené là, qu'est-ce qui m'a décidé? Alors laissez-moi vous raconter un bout de mon histoire. Celui que j'étais hier n'est plus celui que je regarde dans le miroir. À l'époque le rap n'était pas plus qu'un style musical. Pour moi les rappeurs n'avaient rien de phénoménal. Mais un jour j'ai eu un déclic en écoutant une chanson. Son message était fort, j'y retrouvais des convictions. Alors j'ai cherché, traqué, trouvé un style qui me correspond. Le rap n'est pas que de la violence, il est aussi des émotions. Il n'y a pas que du bling bling, de l'illicite ou de la haine. Il y a aussi de l'amour, de la joie, de la peine. J'ai pu découvrir le combat livré en faveur des minorités, une lutte contre le racisme et en faveur de l'égalité. Et puis pour faire mes études, je suis parti sur Lyon. J'y ai rencontré quelqu'un qui partageait cette passion et qui a soulevé une question. Est-ce que je pouvais écrire? Si je commençais un texte, étais-je capable de le finir? Malgré l'hostilité de quelques-uns de mon entourage, j'ai décidé de prendre un stylo et d'écrire quelques pages. Ma plume n'est pas assez mature pour l'engagement politique, mais je peux mettre de la conscience dans mes lyriques. Alors je m'accroche à mon bic sans viser le sommet, car une fois là où il n'y a plus de défi à relever. On est là où on arrive, on fait notre art en cadence. On n'est pas là pour la dérive, mais pour te mettre dans l'ambiance. Avec ce qui tourne l'instrumental, fais-moi confiance, c'est une chance. Et moi sur la phase lyricale, c'est le set qui mène la danse. Mes textes peuvent toucher tout le monde, je me fous de nos différences. Quoi, t'as pas compris? Je ne supporte pas l'intolérance. Comme les rappeurs que j'aime, je ne veux pas propager la violence. Je veux juste déballer mes textes et t'informer que ça commence. On dit souvent qu'on est des campagnards, qu'on ne peut pas rapper, car on n'est pas banlieusard, on n'a pas de message à livrer. Pas d'une cité qui stresse, certaines choses me mettent en colère. Comme par exemple cette jeunesse qui parle d'Aléni qui est ta mère. À chaque morceau écrit, je te donne une partie de moi. Je t'y décris ma vie, ce que je vois, ce que je crois. Et je crois aux amis et à la famille, c'est très important à mes yeux. Du Creusot jusqu'à Longeville, moi je serais quoi sans eux? D'ailleurs merci à tous mes proches sans qui je ne serais pas là, sans qui je partirais en vrille. Je vous aime, n'en doutez pas. Merci à mes aînés, les premiers rappeurs que j'ai découverts. Ils m'ont appris que l'on peut se livrer à cœur ouvert. Merci à Lyon de m'avoir montré le rap indépendant. J'espère en être digne, même si je ne suis qu'un débutant. Merci à Devsur qui m'a donné la passion d'écrire. Ton expérience et tes conseils ont pu me soutenir. Merci à Skito parce que tes productions sont géniales. J'espère qu'un jour tu perceras avec tes bêtes d'instrumental. Surtout un grand merci à toutes les personnes qui vont me tailler. Vos remarques et vos critiques ne feront que me motiver. Ce texte fallait que je le fasse pour vous prouver que c'était possible, que finalement pour moi ce rêve n'était pas inaccessible. Mais ne vous inquiétez pas, je reste fidèle à moi-même. Je me lance juste dans cette aventure car c'est un truc que j'aime. On est là où on arrive, on fait notre art en cadence. On n'est pas là pour la dérive mais pour te mettre dans l'ambiance. Avec Skito l'instrumental, fais-moi confiance, c'est une chance. Et moi sur la phase lyricale, celle c'est un qui mène la danse. Mes textes peuvent toucher tout le monde, je me fous de nos différences. Quoi, t'as pas compris? Je ne supporte pas l'intolérance. Comme les rappeurs que j'aime, je ne veux pas propager la violence. Je veux juste déballer mes textes et t'informer que ça commence. Et t'informer que ça commence.